soit en été sur une tonalité de do. La tête, mais tu joues tout seul. Il n'y a pas de jam. Non, mais je te.